1. Laisse-moi régler le truc, ça tient à cœur, je te l'assure. Dis-moi ce que les tiens vont faire, enlève ces fleurs de ma vue. C'est un concept, en vrai j'effleure le malus. Mais l'album se prépare, on pèse en concert, les salles sont pleines, je m'amuse. Plus tard je te raconterai des astuces pour tes grâces, bon texte. Tu ne fais que des ratures, c'est l'alu, j'étale des phrases justes. Des lacunes m'amuse, sale raclure, j'abuse, c'est la compète, ça taf dur. J'carbure, m'assure que les bails sont prêts. J'ai la sauce pour faire tomber les montagnes, sans palette, on crée des contrastes, on s'emballait. Rentre à l'aise, j'aurais pu placer mon bar, mais j'ai craqué, c'est mal, j'suis là pour baffer les fonds blards et ma traque et mes phases. Claire, net et précis, fais le 17, tout fait mes lessives. Swag à l'américaine, t'es originaire du 7-6. Déguerpis, c'est vite fait, l'ambiance est tout sauf festive. J'ai cerné l'hémisphère, partout c'est la course au prestige. C'est le bordel, y'a plus de sommeil possible. Le cocktail est plutôt explosif. Goûte cette chaude merde. Pour l'acclamer, y'a juste titre. C'est de la bonne, de la première à la dernière track. Fume le shit, j'répète, c'est le boxon dont on est responsable. Tu peux y aller, mon casse. Tu veux pondérer ce qu'on rap. Il n'y a pas d'option. Cotise pas sans pas de la retraite. Troque ton job contre un joli barreau de chasse. On s'enflamme et nos cerveaux brûlent. Nos semblables courent, mais le champagne coule. Une fois les problèmes résolus, on fait nos trucs, on teste des techniques. Vrai, on brusque les sceptiques. Bref, on rendra nos familles fières de ce deuxième opus. Dommage pour plier l'assistance. Tu me vois cultiver l'abstinence. Que dalle, mon gars, en turbine comme des Biélorusses. Au fait, on reste entier. Laisse-moi nous présenter. Le 5 majeur garde une marge de progression démentielle. Froid jusqu'à la fin. On peut même dire colérique. On observe auprès des commères pour que l'objectif soit atteint. Ils font les shows, mais connaissent-ils le chagrin, les poésies du tapin? Est-ce qu'ils connaissent le parfum de nos projectiles? Y'a pas de réponse à ça. Non, y'a pas de raison, comme y'a pas de responsable au fait qu'on soit personne à non grata. Passe un coup d'éponge sur l'ardoise et sur la table pendant qu'il y est. Prépare la planche à billets pendant qu'on se défend sur la plage. C'est le bordel, y'a plus de sommeil possible. Le cocktail est plutôt explosif. Goûte cette chaude merde. Pour l'acclamer, y'a juste titre. C'est de la bonne, de la première à la dernière track. Fume le shit, j'répète, c'est le boxon dont on est responsable. Tu peux y aller, mon casse. Tu veux pondérer ce qu'on rap. Il y a pas d'option. Cotise pas sans pas de la retraite. Troque ton job contre un joli barreau de chasse. Frère, on passe par toutes sortes de chemins pour arriver au but. Mes gars se marrent devant les autres rappeurs et leur numéro de pute. Faut pas me voir comme un idole ou un fils de pute. J'veux être un artiste et pas un pro du marketing de plus. Je freine pas la casse que j'occasionne, je reste à ma place à peaufiner tout ça car il faut que ça cogne. On graissera la patte de strictement personne. On sait qu'à la base mieux vaut y aller seul et marcher que pour sa pomme. On pousse la porte sans l'aide de quiconque. Les anciens qui nous appelaient fils dont on découvre la force. On est là pour vous mettre tous d'accord en moins de 10 secondes. On déballe tout sur la table et je pose mes couilles d'abord. C'est Ascom. Pourtant chaque échec nous fait faire un nouveau pas en arrière comme Jackson. Mais Mélix, ça je m'accroche au chromis. Pour les gars comme moi, promis, j'ai bien intégré qu'abandonner ne pardonne pas. J'gratte et ça donne quoi. J'noircis les postes et ta foison. J'crois qu'ici rien n'est acquis, c'est ma façon de voir. Mon équipe incite au bordel et au chaos le plus total. J'brûle le micro, bye, j'vous dis ciao.